Et un jour, tu verras que ton plus gros problème, c'est pas de collecter la cam, mais de savoir quoi faire de ta putain d'oseille. Ah ouais. J'espère que j'ai des problèmes un de ces jours. DJ Blunky là. Archic, tu récupères le rap pur. Hier, on est dans la même pièce. Mais pas dans les mêmes temps. On est dans la même pièce. On est dans la même pièce mais pas dans les mêmes moments. C'est clair dans ma tête puisque je ne joue pas le mec sans ombre. L'union fait la force donc on arrive en ombre. Puis trace des crimes crades plus vite que mon ombre. Je suis pas dans l'entourage mais dans le mien y'a aucun traître. Apprenti éternel c'est ce que je suis, je m'élève au rang des maîtres. Pour atteindre les sommets j'ai gravi la pente qui était raide. Mon seul projet c'est de voir un tas de gens qui mes textes. Et ouais je fais briller des mecs comme s'il y avait un deuxième. Moi le flow calibré je gratte avec une plume meurtrière. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça quand j'improvise, j'brille dans le noir, j'brille sans voir, j'suis un prodige. Encore un chrome, j'nique un, j'écris dans le prince. J'monte dans le cran, j'crois que j'suis accro, garde des primes sans le rap. J'ai le spleen du romancier, donc j'tisse du romancien. J'maîtrise sans foi, mieux que vous le placement des rimes en soi. J'estime qu'en 3 minutes 3 temps d'apprécier. J'crape des dizaines de passes et celle-ci, je ne vais pas la déchirer. J'ai même la réutiliser afin de marquer l'histoire. Si j'réalise mes rêves, c'est qu'à la fin de s'accès, j'y crois. J'écris des rimes riches, j'ai ma richesse, c'est inestimable. J'découpe les coupes au sky et c'est inévitable. Flax, j'maîtrise l'art de manier les mots en doute. Et les gants, je tourne pas ma veste, les villages deviennent fous, mec, t'exhortes. Oui, je la fous, je suis jaloux de ces putains de rappeurs. Je pense qu'à celui qui soit jaloux de ces putains de rappeurs. Que je suis, ou du moins celui que j'essaie d'être. J'étais proche, gros du cosmos quand j'écrivais ce texte. Si je peux décrire, mec, je ne voudrais pas que tu crois aux schizos. Je m'inspire de l'ogre et du pirate, car je trouve tant qu'ils sortent. Dilo, je n'ai pas leur niveau, mais je compte bien l'atteindre. C'est que c'est éternel et je l'apprécie comme la rosée du matin. Je rate en effet mes regards quand même, car c'est un brin poétique. Quand j'écris bien gros, je t'explique, juste MC bien trop technique. Quand j'ai plus rien, faut que je m'exprime. Mais que je me vide la tête. Je vais sur le poteau synapse. On enregistre des petites de maquettes. Ma quête ne s'arrête pas à trouver la meilleure rime. Je crois en moi car je sais que même le plus grand seigneur prie. Chacun s'accroît, la mienne s'accroît à travers mes lyrics. Ma plume est transcendée, c'est bien avec je t'élimine. Je lâche des missiles bien avant de sortir ce morceau. Scroll gros, fond la morse, boss, tu connais la morse. Oh, cupé à gratter, ouais, sache que ça, je le serai toujours. Mon cas c'est aggravé, je veux juste réussir et je ferai tout pour. On nous pousse à bout, donc ne t'étonne pas si on se tire dessus. On part de la même chose, mais on se contredit de plus. On se fout de qui a tort. Tant qu'on a raison, j'suis un whisky zap et toi une maximator en comparaison. Tu n'as aucun goût, tu me suis bien trop vite. J'me fous de savoir si tu kiffes le son car je ne t'ai rien promis. J'ai qu'un gros mi, bien réglé en guise de gros calibre et gros. J'ai qu'une seule plume et là j'allie les mots. La zik est bonne donc je crache vite mes pros. C'est ma rime que j'expose, j'fais partie de ces pros. Et là j'arrive et j'pose les bases, grave et les sommets. J'grave vite, c'est trop de néfaste. La vie est facile mais trop de mes faces, c'est si complexe. J'suis dans le feu de l'action, j'te tire mon accent circonflexe. J'suis opportuniste mais contre moi tu n'as pas beaucoup de chance, je vis mes rêves au bord d'une île, mais je suis pas dans votre courant littéraire. J'ai l'architecte, le contrat dans l'œil, spécial la bourrin, qui faut que j'ai fort, comme ça que ça se passe en soirée. Ouais, ouais. L'architecte. L'architecte. Nom de Dieu, sacré pétasse. La moitié de sa vie, elle s'habille, et l'autre moitié, madame, se déshabille.